vais tout oublier, je suis agent paquier, je m'en fous de briller, moi je veux que des billets. Pourquoi elle fait la belle, tout le monde parle que d'elle. Elle tourne toute la semaine, après l'after on connaît tous la scène. Non c'est pas un film, c'est l'argent qu'elle aime. Elle tient les hommes en laisse, c'est plus réputé que les gens y craignent. Et oui poteau ça craint, regarde comme elle a faim. Elle aime trop l'alcool, 2-3 magnum, elle te met à moins. Tu penses pas à ta mère, dans le frigo y'a rien. T'es qu'une bouche amère, tu promets des choses, au final y'a rien. Et oui petit, la nuit c'est pas drôle. Je compte même plus les folles, toutes celles qui jouent un rôle. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Elle aime trop la nuit, elle fait rien de sa vie. Trahit sa famille, tient pas ses paroles, trahit ses amis. Eh ouais mademoiselle, t'es dans un vieux tel. T'aimes foutre ton bordel, finir à l'hôtel. T'aimes te faire charger, t'aimes les remballer. T'aimes bien voyager, quand c'est tout payé. Marrakech ou Phuket, Marbella la jet set. Moi et tes chandons en mini-jupe sur la croisette. J'ai succès à Warnet, elle veut que du luxe, Victoria Secret. Je les connais ces meufs, en vrai de vrai, c'est des BNZ. Heureusement qu'il y a des filles bien, qui traînent même si t'as rien. Celles qui vont taffer, qui se réveillent à l'aube tous les matins. Sa meilleure trappe c'est sa mère, elle se confie qu'à ses sœurs. Elle connaît le respect, elle baisse les yeux quand elle passe au secteur. Même si t'as tout pour plaire, elle veut que ton cœur. Elle sera là pour toi si un jour on te pète, elle vit ton malheur. Et oui c'est ça la vie, fonder une famille. Pas bouger son cul tous les samedis soirs en boîte de nuit. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré. Non y'a rien de marrant, VIP elle fait que se marrer. Un petit déhanché à celui qui paye le carré.